Édith Piaf, la dernière fois que je vous ai vu chanter, c'était il y a un an à peu près dans un petit cinéma de province à Dieppe. Vous vous en souvenez? Oui, je m'en souviens très bien. C'est un souvenir cruel. Oui, un souvenir très pénible pour moi. Oui. Debajo de una farola. Frente a las 72. De la Santa Teresita del Niño Jesús fueron sus refugios. Sí que me di cuenta que ni el mundo pudo detenerte. Cenas que llevabas a París pintada en tu voz. Sí que me di cuenta que ni el mundo pudo detenerte. Cenas que llevabas a París pintada en tu voz.